Je fais pas la fête quand t'es mal, mon rêve. Je fais pas la fête quand t'es mal, mon rêve. On prend pas la tête pour une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Tout le monde à terre, y'a des bastons qui pleuvent. Je fais pas la fête quand t'es mal, mon rêve. On prend pas la tête pour une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Tout le monde à terre, y'a des bastons qui pleuvent. La coupe on fait mal, mal, mal. Si t'as trahi une fois, on te dit bye, bye, bye. Et ça fait bang, bang, bang. T'oublies pas, seulement arrête, manger la dalle, dalle, dalle. Car moi je me délavais, mais bon on m'en veut. D'ailleurs on m'envie parce que je suis pas comme eux. Et on parie, c'est plus pareil. Et dans Paris, je serai sur ton appareil. J'ai plus le temps d'avoir le temps. J'ai assez prouvé, maintenant tu le sais qu'on est dedans. Maman je l'ai trouvé, y'a rien d'étonnant. J'ai charbonné pour avoir ce que je voulais tellement. Regarde comment ils m'aiment, n'écoute pas les ondes. Ils ont la haine, eux, ils n'ont pas réussi. J'ai su tous les faire taire sur une série de style free. T'as beau faire des haltères, mon index te refroidit. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. On prend pas la tête pour une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Le monde entier, y'a des bastons qui pleurent. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. On prend pas la tête pour une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Tout le monde à terre, y'a des bastons qui pleurent. Je fais pas la fête quand t'es mal, mon rêve. On prend pas la tête pour une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Tout le monde à terre, y'a des bastos qui pleuvent. Les Yankees défilent comme des zombies. Y'a pas le fou ici, on te fait danser la zumba. Ok Mani, arrache tout, arrache tout, arrache tout. T'attends pas, je suis derrière toi. Sauf que je vais ramasser ce que je peux. Je suis dans le bolide, alors que j'étais dans le même bus que j'ai le bolide. Caché entre les deux bûches, est-ce poli, si ça dégénère, on parle peu. Je me fais palper, pas de bol, pas de train. Quand tu parles trop, je te laisserai pas tomber. Jamais sous alcool, à taré, agiter son cerveau. Et je fais des tours en P880. Avec mon rage, je au poteau, là je suis pas bien. Un showcase, on débarque à 20. Va sur une île, dis-moi juste pour combien. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. On prend pas la tête pour une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Tout le monde à terre, y'a des bosses, tout ce qui pleut. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. Je fais pas la fête quand t'es mal, me relève. On prend pas la tête pour une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Tout le monde à terre, y'a des bosses, tout ce qui pleut. Je fais pas la fête quand t'es mal, mon rêve. On prend pas la tête pour une histoire de meuf. On va leur faire la guerre, ils la veulent. Tout le monde à terre, y'a des bastos qui pleurent. Ah, tout le monde à terre, y'a des bastos qui pleurent. Ouais, ouais, je fais pas la fête quand t'es mal, mon rêve. T'es mal, mon rêve. Je fais pas la fête quand t'es mal, mon rêve. Ouais, ouais, tout le monde à terre, y'a des bastos qui pleurent.